Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 97. De la tentation de Dieu. Définition de la tentation de Dieu. Sa culpabilité, son opposition à la religion, est-elle un plus grand péché que la superstition? 1. La tentation de Dieu consiste-t-elle dans certains actes dont on attend l'effet que de la puissance divine? Tenter quelqu'un, c'est proprement l'essayer, le mettre à l'épreuve par parole ou par action. On tente Dieu expressément par parole, lorsque, dans la prière, on lui demande quelque chose pour essayer sa science, sa puissance ou sa volonté. On le tente expressément par action, lorsqu'on fait quelque chose dans le but de sonder sa bonté, sa science ou sa puissance. On le tente interprétativement par parole ou par action, dès que, même sans avoir l'intention d'éprouver ses divins attributs, on fait des prières ou des actions qui n'ont pas d'autre fin que de juger de sa puissance, de sa bonté ou de sa science. Lorsque, par exemple, pouvant s'écarter d'un danger, on s'y expose contre les règles de la prudence, pour voir s'il est assez puissant pour en délivrer. Note. Celui qui, pour un grand avantage ou dans une nécessité pressante, s'abandonne à la providence, ne tente pas Dieu, mais celui-là le tente qui, sans utilité et sans nécessité, agit contre les lois de la prudence. Les saints, dans leurs miracles, ne demandent un effet à la toute-puissance divine que pour des raisons d'utilité ou de nécessité. Notre Seigneur, prenant la fuite et se cachant, nous a appris à ne pas tenter Dieu dans les cas où nous pouvons éviter un danger par les moyens humains. Fin de la note. 2. Est-ce un péché de tenter Dieu? Il est écrit, « Vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. » Deutéronome 6, 16. Méconnaître les perfections divines ou en douter, c'est un péché. Tenter Dieu pour connaître sa puissance, en est conséquemment, 1. Mettre à l'épreuve ses attributs, non pour s'en assurer, mais pour les manifester aux autres, est une action qui n'a rien de répréhensible, pourvu que l'on agisse par une juste nécessité, dans un but pieux et avec toutes les conditions requises. Les apôtres demandèrent à notre Seigneur Jésus-Christ le pouvoir des miracles, pour manifester sa vertu aux infidèles. 3. La tentation de Dieu est-elle opposée à la vertu de religion? La tentation de Dieu est un péché opposé à la vertu de religion, qui rend à Dieu l'honneur souverain, on n'éprouve pas celui dont on tient l'excellence pour certaine. 4. La tentation de Dieu est-elle un plus grand péché que la superstition? Tandis que la superstition professe une erreur sur la prééminence de la divinité, la tentation de Dieu implique seulement un doute à l'égard de l'excellence des attributs divins. Or c'est une plus grande infidélité de professer l'erreur que de douter d'une vérité, donc la superstition est un plus grand péché que la tentation de Dieu. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.